premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des famines, de la faim et des disettes. Le documentaire de Séverine Yatar et de Séverine Cassard nous rappellera qu'il y a 50 ans, on parlait certes du mouvement du 22 mars 1968, mais aussi de la famine au Biafra, région sécessionniste du Nigeria. Mercredi, nous nous poserons la question des politiques publiques d'aide alimentaire en France au XXe siècle et jeudi de la grande famine irlandaise. Et aujourd'hui, nous recevons dans une émission qui sera co-animée pour nous par Séverine Yatar, qui a préparé l'ensemble de cette série, nous recevons deux historiens, Laurent Feller, professeur en histoire du Moyen-Âge à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Gérard Béor, il est directeur de recherche émérite et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et tous les deux réfléchissent à nouveau frais, comme on dit, à la place de la faim dans les crises économiques et sociales. Chez ma mère, elle vous en donnera. Yo! Dansons la capucine, ah, quel bonheur pour nous. Bien mieux que chez la voisine, on s'amusera chez vous. Yo! Bonjour Séverine Yatar. Bonjour à vous Gérard Béor. Bonjour. Et bonjour Laurent Feller. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors cette chanson est très connue et c'est une chanson, une comptine pour enfants dont on découvre en fait grâce à Séverine Cassard, notre réalisatrice, et au travail fait par de nombreuses mains sur Internet, qu'elle a été écrite avec d'autres paroles par Jean-Baptiste Clément, plus connu pour une autre chanson révolutionnaire écrite dans les années 1860 et qu'on y dit en fait, dansons la capucine, le pain manque chez nous, le curé fait grâce, cuisine, mais il mange sans vous, et qui se termine par dansons la capucine, la colère est chez nous, dame vengeance et sa voisine, courez et vengez-vous. C'est donc une chanson plutôt révolutionnaire qu'une comptine pour enfants et qui s'inscrit dans une longue durée, pourrait-on dire, Laurent Feller, des écrits sur la faim, la famine, le manque de nourriture qui remonte, disons, non pas à la nuit des temps, mais autant qu'on puisse en savoir, au moins au Moyen-Âge. Les écrits sur ces questions du ventre vide sont des écrits qui sont très réguliers, récurrents, à la fois en France, mais également un peu partout là où on a transmis les savoirs et les connaissances jusqu'à aujourd'hui en toute l'Europe, par exemple. Jacques Le Goff disait que le Moyen-Âge était le temps de la famine, le temps de la faim. La faim est toujours présente, elle est toujours là, elle est à l'horizon de la vie et de la mort de beaucoup d'hommes, de tous les hommes et toutes les femmes. Elle est présente également dans les sources narratives, dans les chroniques, depuis l'époque carolingienne et même avant, la fames magna, les moments de difficulté d'approvisionnement. Elle est présente aussi dans les comptabilités, elle est présente dans les documentations urbaines sous diverses formes. Par exemple, dans les politiques pratiquées par les villes italiennes pour alimenter les marchés en cas de pénurie. Bref, c'est quelque chose qui est présent sur le millénaire que dure le Moyen-Âge en permanence, ou presque. En tous les cas, ce sont les sources aussi de l'historien, du coup, que vous venez d'énumérer, Laurent Feller. Oui, bien sûr. Quand on est historien du Moyen-Âge, du premier Moyen-Âge, voilà, avec quelles sources on peut travailler, quantifier, mesurer, évaluer. Alors, aussi, une famine ou une disette ou une crise de subsistance ou une crise agricole, une crise agraire. Il y a aussi peut-être une nécessité de typologiser ces crises, s'il est possible. Crise agraire, disette, famine, ce sont trois termes très proches, forcément très liés, mais surtout qu'il faut bien différencier. La disette désigne plusieurs phénomènes, soit la cherté des vivres, soit la rareté des vivres, qui est quelque chose qui se résout au Moyen-Âge assez rapidement. La famine, c'est autre chose. C'est la grande faucheuse. C'est ce qui va liquider une partie importante de la population, ou qui va, en tout cas, en plus, et c'est là que ça se rejoint avec la crise agraire, entraîner des reclassements sociaux, des destructions de patrimoine et des appauvrissements massifs, ou même temps aussi, bien entendu, des profits du fait de la spéculation. Donc il y a toute une série d'événements sociaux et économiques liés, qui sont communs d'ailleurs à l'époque moderne et à l'époque médiévale en partie, et dont l'étude a été reprise récemment par toute une série de collègues depuis les années 2000. Alors on va parler justement de ces renouveaux historiographiques, pourrait-on dire, dont vous êtes les porteurs ici à ce micro, autour de ces questions des crises de subsistance ou des famines, en l'occurrence Laurent Feller et Gérard Béor. Mais peut-être revenir sur un moment qui précède votre période, c'est-à-dire la période de l'Empire romain, où cette question de l'approvisionnement, et en particulier de l'approvisionnement en blé, l'annone, était quelque chose de très important et qui, d'une certaine façon, faisait tourner l'Empire. C'est-à-dire que cette question de savoir qu'il ne pouvait pas y avoir de crise frumentaire avait été quelque chose de très important pour tous les empereurs, et ça n'est que plus tard qu'on se posera ces questions d'approvisionnement, de capacité à transporter d'un bout à l'autre d'un pays la nourriture pour pouvoir justement empêcher qu'il y ait des crises frumentaires et empêcher, j'imagine, des révoltes qui sont liées à ces crises. Alors, s'il faut parler de l'Empire romain, on est très très au-delà de mes compétences. En revanche, je parle d'un temps où les marchés sont fragmentés, où l'espace est disloqué, et où les circulations d'un bout à l'autre de la Méditerranée, par exemple, sont très difficiles, voire impossibles. L'information n'est pas disponible, et l'information sur l'importance des récoltes dans telle ou telle région n'est pas disponible, et la possibilité matérielle de transporter les récoltes par des flottes ou par une organisation marchande, quelle qu'elle soit, cette possibilité-là, durant les siècles du haut Moyen-Âge, elle n'existe plus. Donc les productions et le problème de l'alimentation est un problème que nous avons tendance à traiter d'une façon strictement locale. C'est-à-dire sans marché ou avec des marchés extraordinairement restreints. On voit apparaître les mentions de possibilités d'échange à l'époque carolingienne, avec quelques allusions dans les capitulaires. Et bien entendu, les grandes réformes portant à la fois sur la monnaie, sur les mesures pondérales et sur les mesures de volume, qui permettent d'équilibrer, qui rendent possible un échange à peu près égalitaire dans un espace un peu plus vaste que le simple village ou la simple, circonscription autour de l'endroit où on vit. C'est-à-dire que cette idée aussi de pouvoir aller chercher ailleurs, dans un espace politique par exemple, aller chercher ailleurs les subsistances qui vous manquent parce que la récolte a été meilleure ailleurs qu'elle ne l'est chez vous, par exemple, Laurent Feller. Alors cela, nous savons que cela commence à exister au 8e, 9e siècle. Auparavant, nous sommes dans l'obscurité quand même. C'est-à-dire que nous sommes forcés de postuler le caractère strictement local de la production et de l'échange. L'échange, si l'échange il y a, il est local à l'intérieur, soit d'un domaine, soit d'un canton très restreint. À partir du 9e, nous pensons que les échanges tendent à augmenter et portent aussi sur des denrées alimentaires. Bon, les échanges de la mer du Nord durant le 8e, 9e siècle sont intenses, malgré les difficultés liées à la piraterie normande. Il y a, à travers les grands emporias du 9e siècle, en mer du Nord, des grosses circulations qui portent évidemment aussi sur des denrées alimentaires. Mais la question qui va se poser pour nous ensuite, c'est, au moment de la dislocation de l'Empire carolingien, la rupture de ces marchés, de ces possibilités d'échange, et malgré cela, la reprise d'une croissance très rapide à partir du 11e, 12e siècle. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément concomitance d'un espace politique gigantesque et de la possibilité justement de se fournir sur des marchés plus lointains, en l'occurrence Laurent Feller. C'est une des questions qu'on peut se poser dans cette émission qui s'intéresse donc en ouverture de cette semaine à la façon ou pas de penser les crises frumentaires, les crises liées à la disette ou à l'approvisionnement. Si nous parlons du haut Moyen-Âge, cette question n'a pas jusqu'à présent de réponse satisfaisante. On postule l'existence de marché, mais on n'en a pas de preuve. Pour le bas Moyen-Âge, en revanche, il n'y a pas besoin d'une unité politique pour que les marchés puissent se développer. L'information est disponible malgré le fractionnement du territoire et malgré le caractère lointain aussi, quand les Florentins vont chercher leur blé en mer Noire. Et les villes de la mer du Nord s'approvisionnent en Baltique. Donc il y a de ce côté-là pas de nécessité, pour le bas Moyen-Âge du moins, d'avoir cette unité territoriale. Séverine Niatta. En tout cas, il y a un renouvellement historiographique, nous l'avons dit au début de cette émission, Gérard Béor. Et notamment, vous vous étiez interrogé dans un numéro de, d'Histoire et Mesures sur comment aborder nouvellement ces crises frumentaires après finalement un modèle qui avait été élaboré à l'époque par notre grand historien de l'histoire rurale Ernest Labrousse, qui systématisait, enfin en tous les cas un petit peu un emboîtement de crises suite à justement problème climatique, cherté des grains, spéculation, crise économique, crise industrielle. Enfin voilà, est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur cette grande époque de l'histoire rurale où justement on s'attache à trouver un modèle pour explicatif de celle-ci. Oui, la question des famines et des disettes, enfin, il faudrait distinguer entre les deux, mais les contemporains. Faites-le tout de suite d'ailleurs, parce que ça sera utile pour nos auditeurs. La disette, c'est effectivement la privation relative. La famine, c'est quand vraiment les gens ont faim, meurent de faim. Et les contemporains ne font pas toujours la différence. Quand Levasseur, il y a bien longtemps, avait utilisé les chroniques pour répertorier les famines qui avaient eu, les disettes qui avaient eu lieu entre le XIe siècle et 1890, les années où il écrit, il trouve un nombre de famines absolument vertigineux. On a l'impression que la famine, c'est tous les jours. Je crois qu'au XIe siècle, sur le siècle, il y aurait eu 41 famines. Donc il y a une grande confusion entre disette et famine. Et pour les contemporains, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, ils parlent pas tellement de la famine, ils parlent surtout de la cherté. Ce qui caractérise surtout ces épisodes, c'est que le grain devient très cher et devient totalement inabordable pour les plus pauvres. Donc, tout cela, ça, effectivement, a créé des interrogations. On peut dire que la question des crises et des famines a été le pain quotidien des historiens des années... Depuis Labrousse, mais surtout dans les années 60, 70, 1960. Tout le monde s'est engouffré dans cette question des famines et des crises. Et on ne pouvait le faire que de façon indirecte. On n'a pas de facilité pour trouver des documents qui nous donnent le volume de la production. On l'a fait surtout à partir des mortalités. Et on en est arrivé à l'idée qu'en fait, chaque fois qu'il y a une mortalité, c'était une famine. Et qu'en fait, la faim était le grand pourvoyeur de la mortalité. Alors aujourd'hui, on est un peu en train de revenir, déjà dans les années 70, on a commencé à revenir sur cette question en disant qu'il peut y avoir des mortalités sans famine, il y a des épidémies, et inversement, il peut y avoir des famines ou des disettes sans qu'il y ait de mortalité. Et donc, en quoi, pour nos auditeurs qui ne seraient pas spécialistes des arcanes, justement, de l'historiographie, en quoi cette remise en cause de cette idée, pourrait-on dire, qui était l'idée défendue à la Sorbonne par Ernest Labrousse et qui l'a donc inculqué à tous ses élèves et les grands historiens et les historiennes que peuvent être, j'imagine, Alain Corbin ou encore tous des gens comme Michel Perrault ou d'autres qui ont tous été et toutes été ses étudiants et ses étudiantes, en quoi, justement, cette idée était trop systématique, en l'occurrence Gérard Béor, et pourquoi est-il nécessaire aujourd'hui d'y revenir et de se dire que cette idée des crises qui s'emboîtaient les unes les autres était peut-être trop vague ou trop générale. À l'époque, moi j'étais encore étudiant, on cherchait beaucoup les cycles. On était passionné par les cycles et on voulait qu'il y ait un mécanisme autoreproducteur. Les cycles Kondratiev, par exemple. Voilà. Alors, il y avait des Kondratiev, il y avait des Julliard, il y avait toutes sortes de cycles. Et le cycle d'Ancien Régime était tellement beau qu'on en était absolument ébloui. Aujourd'hui, on croit un peu moins que ce sont des cycles automatiques. On pense plutôt que ce sont des accidents, en fait. Ce qui déclenche ces famines, ce sont des accidents qui sont à la fois probables et imprévisibles. On sait que de temps en temps, la récolte défaille et que ça va avoir des conséquences. Mais ce sont des accidents climatiques. Et là-dessus s'enchaînent des processus extrêmement nombreux qui vont accentuer cette pénurie. En temps ordinaire, la France est plutôt, par exemple, excédentaire en grains. Mmh. Et même les années excédentaires, elle exporte. Le problème, c'est que quand elle est excédentaire, elle ne vend pas très cher parce que tout le monde a des grains. Mmh. Par contre, quand elle manque de grains, tout le monde manque de grains. Et donc là, ça coûte fort cher pour alimenter le marché. Donc, on a des accidents qui font que d'un seul coup, la production n'est pas suffisante. Et ça va provoquer des effets, premièrement, de panique. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus porté aujourd'hui. Les effets de spéculation. C'est accentué par des problèmes qui sont le fait que la circulation est quand même très difficile. Faire circuler des grains sur des matières pondéreuses. Par voie d'eau, on y arrive, mais par voie de terre, c'est terrible. On peut pas aller très loin avec les charrettes. Disons que c'était possible dans l'Empire romain avec le réseau viaire de l'Empire romain et que ça allait beaucoup moins au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, par exemple. La monarchie essaye de mettre en place un réseau de routes au XVIIIe siècle, mais c'est tardif, et il n'est pas vraiment efficient avant le XIXe. Alors les voies d'eau, il y a les canaux, et puis il y a l'approvisionnement de secours qui peut se faire. Ça n'a pas changé, c'est toujours la Baltique qui envoie des grains vers la France, ou la Méditerranée via Marseille. Le problème, c'est que avant qu'on ait identifié qu'on va manquer de grains, il se passe d'abord plusieurs jours, plusieurs semaines. Quand on constate qu'on manque de grains, il faut envoyer quelqu'un à Danzig ou quelque part dans la Baltique pour aller acheter des grains. On achète les grains, on charge les bateaux. Et quand les bateaux font tout le trajet et arrivent dans les ports de la mer du Nord... Il y a déjà un certain nombre de morts. Voilà. Et parfois, la famine est terminée. Donc, c'est ce qui arrive. Et de côté méditerranéen, c'est la même chose. Dans les années 70, les Lyonnais achètent des grandes... La municipalité lyonnaise achète de grandes quantités de grains parce qu'elle voit qu'il y a une famine. Le grain arrive. Et quand il arrive, on est à nouveau vers une récolte qui est bonne. Les prix du grain se sont effondrés et la ville fait un trou de plusieurs centaines de milliers de livres parce qu'elle a acheté très cher des grains qu'elle ne peut vendre qu'à très bas prix. Donc le problème de l'approvisionnement est compliqué. Il y a un autre problème, c'est le stockage. Stocker du grain, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Il y a les nuisibles. Pardon ? Il y a les nuisibles. Voilà. Et alors, en tête, le charançon, c'est un désastre. Il mange tout. Et l'humidité. Et pour Paris, et puis il y a aussi tout le reste, les rats. Et donc, on n'a pas vraiment de possibilité facile de stocker du grain. C'est compliqué. Il y a des stocks, mais on en perd beaucoup. Il y a des villes qui arrivent à constituer des réserves de grains. En France, on n'a jamais été très bon là-dessus. Les réserves de grains, c'est pas trop notre truc. Et même si on a voulu créer des greniers d'abondance, ça pose beaucoup plus de problèmes que ça en résout. Notamment, les gens ne veulent pas des grains, des greniers d'abondance, parce que c'est les grains du roi, et ils sont forcément mauvais. Là, vous nous parlez voilà, d'une histoire presque internationale, enfin en tous les cas à une échelle européenne. Est-ce que aussi le renouvellement de cette histoire rurale et de cette analyse finalement des crises et des famines a pu être possible? Je pense à vous, Laurent Feller, qui avait écrit par exemple un article sur un cas concret. Alors, on est presque dans la micro-histoire avec le cas de l'Aquila. Donc, alors, il s'agissait pas de famine, il s'agissait de deux épisodes de la cherté des grains où, à partir d'une chronique écrite à l'époque, vous arrivez à analyser plus finement à la fois ce qui se passe à ce moment-là à l'Aquila, 1329-1340, et puis quelles sont les solutions qui vont être appliquées pour remédier justement à cette problématique économique là dans cette commune de la Coulée. C'est extrêmement intéressant parce que du coup on a une analyse plus fine justement d'une situation à un moment donné. Alors, l'Aquila 1329 ou l'Aquila 1340, ça s'inscrit dans le grand cycle, dans les grands cycles de famine de l'Italie centrale du XIVe siècle. Et donc, les solutions trouvées à l'Aquila sont des solutions provinciales, mais des solutions qui sont comme celles qui ont été mises au point à Rome un peu auparavant, qui ont été étudiées par Gianni Palermo. Et ici, ce qui s'est passé, c'est une intervention pratiquement sur la mise en circulation, sur le commerce, sur la commercialisation du grain. Le grain manque, mais pas au point qu'on ne puisse pas en disposer. Il y a d'abord des épisodes de confiscation. C'est-à-dire que la première chose que l'on fait, c'est on va voir dans les greniers les privés s'ils n'ont pas trop acheté. La municipalité intervient. Intervient brutalement. En 1329, c'est une procédure d'enquête. On va frapper à la porte, on fait l'inventaire. Pour des raisons simples, c'est qu'au début de la saison, les familles riches achètent tout ce dont leur maisonnée aura besoin pour l'année. Parfois, ils achètent plus. Et si on pense qu'ils ont plus que ce dont ils ont besoin, alors on les oblige à vendre. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent spéculer. Bah évidemment. Évidemment. C'est la grande hantise des autorités communales du XIVe siècle, la spéculation. Et toutes mes mesures prises sont des mesures prises pour empêcher l'enrichissement indu de ce qui est cette grande peur, cette existence de la manipulation des prix et de jeux sur les prix. Les populations d'ailleurs sont très sensibles à cela et vont elles-mêmes se servir dans les greniers des riches lorsqu'il y a trouble, lorsqu'il y a un doute sur cette matière. Oui, alors en 1329, ça marche, mais ça ne marche pas très bien. Et au bout du compte, ce qui est intéressant, c'est de comparer cette crise frumentaire à L'Aquila, donc en Italie centrale, en 1329, et cette autre crise qui va précéder de très peu la Grande Peste, celle de 1340, et qui n'est pas réglée de la même manière. En 1340, la municipalité a décidé, beaucoup plus simplement, de mettre au point une politique de rationnement. C'est-à-dire qu'on déclare, tout le monde doit déclarer ce qu'il a, et pour pouvoir acheter, il faut avoir un carnet de rationnement, pratiquement. C'est une cédule qu'il faut retirer à la municipalité pour pouvoir aller acheter et payer. Il y a d'autre part l'institution d'un marché communal, enfin tout, il y a des procédures, et puis aussi l'achat du grain en dehors de la ville. À Naples, hein. À Naples, on va jusqu'à Naples. Mais là, ce n'est pas très compliqué, puisque le grain est disponible en Pouille, il y a des ports sur la côte adriatique, donc à partir de là, les routes existent, et c'est un peu compliqué, mais on y arrive tout de même. Bon, le grain que le roi a vendu, ou le grain qui est arrivé à L'Aquila, il était un peu pourri. Et il n'a pas eu beaucoup de succès. Mais bon, il a été mangé quand même, il en avait besoin. En plus, ça coûte très cher. Alors, en quoi un exemple comme celui que vous venez de citer, Laurent Feller, cet exemple de L'Aquila, remet en cause, justement, puisque c'est notre discussion depuis le début de cette émission, remet-il en cause cette question posée d'une sorte d'emboîtement des crises qui partirait de la crise frumentaire et qui irait jusqu'à des crises sociales et des crises en particulier industrielles ou politiques un peu plus tard. C'est ce modèle dit labroussien, donc du nom d'Ernest Labrousse, ce professeur en Sorbonne qui l'avait synthétisé, pourrait-on dire, au milieu du XXe siècle. J'irais jusqu'à dire qu'on a été contaminé par la lecture des économistes, c'est-à-dire d'Amartya Sen, qui avait remarqué, c'est ce qui a débuté sa carrière d'économiste, il a remarqué en 1943 que les récoltes disponibles en réalité ou présentes dans les greniers au Bengale étaient là, mais qu'on mourait de faim quand même, et que donc c'était un problème à la fois d'information et de marché. C'est-à-dire en fait, ces grains étaient trop chers. La question était une question de commercialisation. Et c'était de ce fait le fonctionnement des marchés qui était en cause. Donc c'est la réinsertion des problèmes de fonctionnement du marché, d'approvisionnement, fonctionnement des structures d'échange, de disponibilité des monnaies, de disponibilité de l'information, etc. Tout cela a été remis sur le tapis et replacé au centre. On n'a plus pensé que chaque fois qu'il y avait une famine, c'est parce qu'il y avait en amont uniquement un déficit de production. Il y a aussi un déficit de production à l'origine, mais il y a aussi cette question de la circulation et du marché, du fonctionnement du marché. La faim, quand ça me prenait, maintenant ça va, dis-moi, je le crois. La faim, ça me connaissait, car elle et moi, c'était comme ça. La faim, faut y penser de temps en temps, ça fait les dents comme chez les bêtes féroces. Ça coupe la noce, ça fait penser, moi j'ai dîné pas mal, et toi les autres je m'en fous. Et grand-père, j'ai quel est ce chien qui me tend les mains et ses yeux doux. La faim, y en a pour qui ça va toujours, c'est comme l'amour. La faim, y en a pour qui ça va jamais toujours complet. La faim, y en a pour qui les vieux croutons, c'est encore bon comme la romaine. Ça gonfle, ça coupe la semaine. Dans l'estomac, ça nage un peu, ça fait ce qu'on peut, ça bouge les trous. Et dans le taffetas, ça serre un peu, un cran, mon vieux, faut joindre les bouts. La faim, quand par hasard, y'en a pour deux, ça fait causer. La faim, pour les bavards, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça distrait. La faim, jamais en retard, cette souris-là n'attend même pas que tu la sonnes. Elle trône, superbe, matrone. Elle a son chic, les yeux cernés du fil de soie dans les tibias. Même en musique, elle fait jeûner cette cigale-là depuis des mois. La faim, il y en a qui disent qu'elle est fauchée, mais c'est pas vrai. La faim, ça a toujours deux, trois petits tours dans son panier. La faim, quand t'as trimé des tas d'années dans sa carrée, donne un pourboire, une poire. Pour la soif. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Premier volet d'une série d'émissions, donc on vient d'écouter Léo Ferré, La fin, un titre de 1964, avec vous, Séverine Yatar, mais également avec nos deux invités aujourd'hui, Gérard Béor et Laurent Feller. Séverine Yatar, on discute de la façon, depuis le début de cette émission, de penser justement ces questions des famines et des disettes. Est-ce que justement Ernest Labrousse, dans sa théorisation justement de ce système d'explicatif sur l'emboîtement de ces crises, voilà, de la cherté des blés à la crise économique, industrielle et politique, avait justement mis en valeur le rôle de l'institution, de l'État, et avant l'État, de l'institution publique, pour qu'une disette ne passe pas, par exemple, à la famine. Est-ce que les historiens avaient pu justement mettre ça en lumière, cette idée que les institutions sont tout à fait conscientes, finalement, des risques, évidemment, de famine, et qu'il y a mise en place de règles, éventuellement, d'une administration, enfin, ce dont vous nous parliez, Laurent Feller, en ce qui concerne l'Aquila, hein, à un niveau micro-local, micro-historique. Gérard Béor. Bon, la monarchie a très tôt pris conscience des problèmes que posait cette question de la faim et de la famine. Et dès le XVIe siècle, elle a commencé à éditer, à faire un certain nombre de promulgations, un certain nombre d'édits pour réguler les marchés. Dès Henri III, et même avant, on a commencé à dire qu'il fallait avoir un certain nombre de règles pour que le marché fonctionne. Donc, il y a beaucoup de... Et plus ça a été, plus on a édité des choses très précises sur la façon dont le marché devait être organisé. Interdiction d'aller acheter les grains à la ferme. Tout doit être porté au marché, de façon à ce que ça soit quelque chose d'assez régulé. Interdiction de ramener les grains qu'on n'a pas vendus. On doit les mettre dans une resserre et on doit les laisser sur place. On ne peut pas dire « le prix ne me convient pas, je ramène mon grain », ce n'est pas possible. Les municipalités ont aussi agi, taxes. Elles ont taxé le pain, pas le blé mais le pain, de manière à éviter que ce pain devienne trop cher. Mais cette taxe du pain, qui est d'ailleurs alimentée par des fonds de la municipalité, cette taxe du pain est quand même obligée de suivre plus de loin en loin le cours des céréales. On peut pas non plus le décrocher complètement, mais on essaye de lisser sensiblement le prix. Et puis au XVIIIe siècle, la grande mode, c'est les greniers d'abondance, qui fait couler énormément d'encre. Comment créer des greniers qui permettent de stocker les grains? On va essayer d'acheter les grains quand ils sont pas chers. Et quand la crise va se déclencher, eh bien, on va pouvoir les mettre sur le marché. Alors, il semble que les villes, certaines villes comme Strasbourg, Bâle ou Genève, aient ce système et qu'ils fonctionnent parfaitement bien. Ils sont très contents. Ils disent que les historiens disent que réellement ça a permis de réguler les marchés et ça a évité de grandes famines. Il semble que dans le cas de la France, ça ait plutôt eu des problèmes parce que on a d'abord ça coûte très cher à construire ce grenier, ça coûte très cher de le gérer. Et les problèmes de conservation, alors? Alors, les problèmes de conservation, oui, parce que on est obligé de faire toutes sortes de règles pour construire ces greniers. Et, ça demande surtout une main-d'œuvre énorme. Il faut, d'abord, on crée des grands bâtiments. Il existe encore à Lyon un très beau grenier d'abondance qui sert plus à ça, avec plusieurs étages. Il faut donc monter les grains en haut, à dos d'homme. Et surtout, après, il faut le pelleter sans arrêt. Parce qu'en le pelletant, on va éviter que l'humidité le fasse pourrir, on va tuer peut-être les charançons si tout se passe bien. Et donc, ça demande, c'est très coûteux. Ensuite, il faut bien gérer son affaire, parce qu'il faudrait presque prévoir la famine. Il faut libérer les grains au bon moment, en tout voilà. cas. Voilà, et puis surtout, il faut le stocker pendant des années sans qu'il y ait de famine. En fait, pour que ça se passe bien, il faut que la famine arrive à point nommé. Elle n'arrive pas toujours quand on l'a prévu, et donc on a des stocks de grains considérables, immobilisés, qui s'abîme, et les gens sont très suspicieux, parce que généralement, ces grains sont pas toujours de qualité supérieure, et on n'a pas toujours vendu à l'État les meilleurs grains non plus. Donc pour toutes ces raisons, ces greniers d'abondance vont être très critiqués, et puis ils ont, dans la population, il y a un soupçon. Le roi stocke les grains, et avec ces grains qu'il stocke, il va provoquer la famine. Oui, parce que une des questions, et c'est depuis très longtemps, évidemment, Laurent Feller, vous le rappeliez tout à l'heure, vous qui êtes médiéviste, c'est la question du soupçon. c'est l'idée qu'il n'y a pas un marché transparent, pur et sans frein. Il y a effectivement des accapareurs, il y a des gens qui peuvent s'enrichir au passage, il y a des marchands, il y a tout un tas d'intermédiaires qui font qu'au bout du compte, il y a dans la tête de ceux qui pourraient acheter ces grains pour pouvoir se nourrir, un imaginaire, pourrait-on dire, et qu'on ne peut pas compter sans cet imaginaire quand on réfléchit à l'ensemble des mécanismes qui pourraient empêcher la faim, les famines, les disettes. Alors, les accapareurs sont tout de même une réalité. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, effectivement. Mais... Et donc, là, il y a des politiques efficaces, relativement efficaces, notamment, je pense aux Florentins, qui ont une politique d'achat de grains à l'étranger, mais aussi une politique de faire savoir ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les autorités communales de Florence font savoir qu'ils ont acheté le grain et que celui-ci vient de partir de la mer Noire, ben les prix s'effondrent. Et par anticipation. Enfin, les prix baissent, quoi. Modérément. Il y a la question de la peur du désordre. Évidemment, cette peur du désordre, elle est provoquée par plusieurs choses. D'abord, le désordre même du marché, le désordre physique du marché, de la pression qui s'exerce physique, de la présence de la foule sur le marché, qui oblige parfois les Florentins, notamment, à des mesures d'ordre tout à fait extraordinaires. Par exemple, d'avoir un bourreau présent sur la place où on échange les grains, afin de faire en sorte que la répression soit immédiate en cas de trouble sur les prix. C'est assez radical. Oui, effectivement. mais le bourreau n'agit pas nécessairement, il est là. Simplement. Oui, c'est ça, c'est une menace. Il y a la peur du désordre. Il y a aussi, de la part des populations, Gérard disait tout à l'heure que finalement le roi, il est soupçonné de vendre du mauvais grain. Il y a aussi la perception qu'a la population de sa propre alimentation. À Florence toujours, on ne peut pas faire manger aux Florentins autre chose que du pain blanc. Si vous leur proposez des céréales inférieures ou des céréales qui aboutiraient à avoir du pain noir, voire pire encore des légumineuses, ça se passe mal. Les tensions sont immédiates parce que être un homme, c'est manger du pain. Et d'avoir accès à autre chose que du pain, c'est une dégradation totalement insupportable. Donc les causes des tensions sont effectivement sur la qualité de ce que l'on a, aussi bien que sur la quantité, naturellement. Ce qui prouve que quand on travaille sur cette question qui nous occupe toute la semaine dans la Fabrique de l'Histoire, de la faim, des famines, des disettes, il faut faire de l'histoire sociale, on l'a dit, de l'histoire économique, de l'histoire culturelle, de l'histoire des représentations, de l'histoire des émotions, parce que effectivement les émotions sont souvent liées à ces questions d'alimentation, et donc mélanger tous ces critères, pourrait-on dire, pour pouvoir mieux comprendre ces phénomènes, Gérard Béor. Oui, tout à fait. Le problème de la façon dont le public reçoit cette question est évidemment central. Notamment, je voudrais revenir sur ce problème des accapareurs, parce que ça envahit toute la littérature. Il y en a absolument partout, et effectivement, ils sont dénoncés sans arrêt. Bon, ça existe, hein, Laurent l'a dit, il y a des gens qui effectivement stockent des grains. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des spéculateurs. Voilà, et des gens qui font des affaires, on dira. On a peut-être un peu exagéré ce phénomène. Notamment, on pense que ces gens-là stockaient au moment de la soudure, c'est-à-dire à la fin du printemps, lorsque la future récolte n'est pas encore rentrée, et qu'il y a donc un moment de rareté dont ils profitent. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, le prix du grain a peut-être un peu tendance à monter, mais je ne suis pas très certain que ce soit forcément une bonne affaire. C'est comme une spéculation, et donc c'est extrêmement risqué. Et je ne suis pas sûr que tout le monde prenait ce risque. On ne sait pas à quel rythme les gens approvisionnaient le marché, mais on a un cas. La famille Chartier, dont les comptes ont été étudiés, et on s'aperçoit que François Chartier... On est à quelle époque, là? On est en 1740. D'accord. Il y a une crise, une de plus. Et on s'aperçoit qu'en François Chartier, qu'est-ce qu'il fait? On pourrait s'attendre à ce qu'il va retenir les grains et qu'il va attendre la soudure. Non. Chaque marché, il amène son sac de grains, imperturbable. Manifestement, il n'essaye même pas de profiter de la hausse. Donc, il y a une part de vérité, mais il y a aussi une part de légende qui vient de la crainte populaire. Du complot de famine. Du complot de famine. Mmh. Ouais, absolument. Mais il y a aussi cette idée, finalement, que justement les nobles ou les bourgeois qui ont en leur possession du grain n'ont pas forcément intérêt à ce qui est la famine, parce que là, ça peut créer une crise justement de la consommation. Eux qui peuvent être producteurs par ailleurs Je pense à des drapiers que vous citez, Laurent Feller, qui lui-même va mettre son grain sur le marché ou va acheter et revendre à perte pour que justement la population, en l'occurrence c'était Aquila encore, puisse acheter et continuer aussi à consommer. Il y a des arbitrages à faire. C'est-à-dire que les mêmes qui sont tisserands ont aussi souvent même des propriétés à la campagne. Et donc il faut arbitrer entre ce que l'on va gagner sur son grain et puis la nécessité de faire tourner sa boutique en ville. Faire tourner sa boutique en ville, ça veut dire les salaires. Si les prix du grain augmentent, il va être très difficile de maintenir bas le niveau des salaires. Donc il y a et puis d'autre part aussi, il n'est pas très intéressant de faire mourir de faim ses propres ouvriers. Donc il faut de ce côté arriver à quelque chose qui soit satisfaisant. Ça oblige effectivement à sacrifier, à choisir ce que l'on va privilégier dans son activité économique. Gérard Béor, le problème n'est pas tellement la ville en fait. La ville est généralement, sauf s'il y a un siège, s'il y a la guerre, s'il y a des conditions particulières, la ville est normalement approvisionnée. Elle l'est parce que, pour les raisons que Laurent vient de dire, mais aussi parce que les grains de prélèvement décimaux, seigneuriaux, des baux à loyer, arrivent à la ville. La ville est approvisionnée, mais c'est la campagne qui ne l'est pas. En réalité, contrairement à ce que nous, on a l'habitude de concevoir, c'est pas tellement la ville qui souffre de la faim, c'est la campagne. Parce que les grains, ils partent en priorité. C'est vrai que c'est le monde à l'envers. C'est contre-intuitif. Oui, c'est le monde à l'envers. En fait, les grains, ils vont vers la ville. Dès que la récolte est faite, on prélève la dîme, on prélève les droits seigneuriaux, on prélève les fermages, et tout ça, ça arrive à la ville. Et après, on peut redistribuer. Donc, la ville est touchée après, si vraiment la crise est sévère. Mais ceux qui vraiment prennent le pire, c'est vraiment la campagne. Mais la ville, elle peut devenir le théâtre, par contre, de la crise politique, de l'émeute, et de la voilà. Oui. Et parce que la campagne aussi. La campagne aussi, mais la ville, notamment parce que qui dit famine nous disait, dit aussi que les personnes partent par exemple des campagnes, circulent et se retrouvent éventuellement en ville. Et là, en ville, il y a des solidarités qui changent à ce moment-là. On essaye d'approvisionner en priorité la ville. Le roi d'ailleurs en France. Son problème, c'est Paris. Le reste de la France, je dis pas qu'il s'en moque, mais ça l'importe beaucoup moins, parce qu'effectivement, Paris représente une masse qui peut facilement se révolter, donc il faut approvisionner Paris en priorité. Les villes, quelques villes, mais la campagne, on s'en désintéresse relativement. Et effectivement, on peut avoir des mouvements sociaux importants. Des déséquilibres sociaux qui interviennent. Oui, qui peuvent se produire, bien sûr. Et la monarchie prête. Il prête une très grande attention parce que c'est extrêmement dangereux, oui. Et Laurent Feller, alors, puisqu'on en est au contre-intuitif, dirons-nous, on dit que les campagnes sont plus touchées par les famines lorsqu'il y a une crise frumentaire que les villes, nous disait Gérard Béor à l'époque moderne. Autre chose qui est contre-intuitif en vous lisant, c'est que le prix de la viande baisse pendant les crises frumentaires. Pourquoi ? Alors là, moi, j'étais surpris. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi la viande est-elle moins chère ? Peut-elle devenir moins chère ? Provisoirement. C'est parce que pour accéder au marché, il faut des titres dans le droit d'entrée. C'est-à-dire avoir suffisamment d'argent pour vendre, pour se procurer ce dont on a besoin. Ça peut être de la viande. On vend le bétail en masse au moment où on a besoin d'acheter autre chose, c'est-à-dire du blé ou du pain. C'est-à-dire qu'on se sépare de son capital de paysan, bien par sûr. Exemple, si on a du bétail, on va vendre son bétail, parce que d'abord on ne peut plus l'entretenir, parce qu'on ne peut plus aller à manger parfois. Et les prix vont s'effondrer. Mais ça, c'est quelque chose de tout à fait classique. Les prix vont s'effondrer et pendant un temps, la viande sera de grande abondance, sera pas chère et les paysans vont manger beaucoup de viande pendant un petit moment, pas beaucoup. Mais après, ils n'auront plus de capital. Après, plus de capital. C'est les phénomènes de déclassement qui vont s'opérer. Ils n'ont plus de capital. Le capital, le cheptel vif disparaît. Et après ça, on vend les parcelles de terre. Il y a un phénomène d'appauvrissement accumulatif et accéléré au fur et à mesure que le temps passe. Une crise frumentaire fait que l'on ne peut plus entretenir, se nourrir soi-même. Donc on va vendre son bétail pour pouvoir ensuite avoir un peu d'argent et continuer à pouvoir se nourrir. Mais ce bétail va faire qu'on ne peut plus entretenir ses propres terres et qu'à la fin, on va être obligé de vendre ses terres. C'est ce que vous nous expliquez. Ça peut être un phénomène en tous les cas. C'est une des possibilités. Ajoutez à cela que il n'est plus possible de s'endetter dans ces conditions-là. C'est-à-dire que ce sur quoi on pourrait donner comme gage, la terre ou le bétail, ne vaut plus rien. Et donc, on n'a aucun accès à ce moment-là à des liquidités. Et le crédit peut avoir un effet positif. Au bois, ça permet de survivre pendant un moment. Du coup, ça bouleverse aussi le foncier, avec justement la question de la vente des terres et de la baisse du prix. Alors d'abord, une crise, normalement, il y a une crise du crédit aussi. Les gens, quand ils ont sacrifié tout ce qu'ils pouvaient avoir comme bien meuble, ils vont emprunter. S'ils trouvent des prêteurs, il y a des taux qui ne sont pas forcément très intéressants. Mais ce qui m'avait frappé lorsque j'avais travaillé sur ces questions, c'est l'extrême réactivité du marché foncier. À mesure que le prix du grain augmente, les ventes de terres se multiplient. On vend tout de suite, parce qu'en fait, on n'a même plus le recours du crédit possible. On vend les parcelles marginales, puis les parcelles qui sont au cœur de l'exploitation. Et au pire, on peut vendre aussi sa maison. Et alors là, on se retrouve avec ces bandes d'errants qui se promènent dans les campagnes et qui vont mourir quelque part dans les fossés. Parce qu'une fois qu'on n'a plus rien, qu'on n'a plus à manger, qu'on n'a plus de travail, qu'on n'a plus de maison, qu'on n'a plus de terre, eh bien, c'est fini, on meurt et il ne reste plus qu'à aller mourir quelque part. Laurent Feller. Alors, il faut pondérer peut-être pour le Moyen-Âge cette froideur du marché que tu décris par le fait que nous avons tout de même affaire à une société chrétienne qui a quelques valeurs de redistribution et qui notamment pratique de manière importante. Théoriquement, le 18e siècle de Gérard Béor est aussi chrétien. Enfin bon, la France du 18e siècle. C'est pas le même. C'est pas le christianisme. Donc il y a des politiques qu'on les voit immédiatement dès qu'on a des sources qui le racontent. Dès le 12e siècle, par exemple, on voit très bien les princes intervenir à divers niveaux. D'abord, traditionnellement, ils donnent du pain directement, beaucoup de pain. Ils nourrissent un certain nombre de pauvres par tête et tout le monde est prié d'en faire autant. Et puis il y a aussi l'intervention directe sur des ordres donnés, par exemple, pour qu'on plante des légumineuses. L'interdiction de brasser l'orge, de brasser de la bière. C'est-à-dire qu'on arrête de brasser de la bière dans des pays qui brassent la bière parce que cette orge va servir à nourrir la population. Et donc toute une série de mesures comme cela qui sont prises, et même des mesures qui permettent de faire baisser, dans une certaine façon, le prix du pain. Par exemple, diviser le poids du pain par deux. Et en même temps, donner en charité des petites pièces d'argent à ceux qui pourraient éventuellement en avoir besoin et qui donc peuvent aller se fournir de ce pain moins volumineux et moins cher, donc, avec cette... Ça, c'est Charles Le Bon. Charles Le Bon qui a fait ça. Gérard Béor, en quoi ce dont nous discutons depuis le début de cette émission, dans une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la famine, à la faim et la disette, est-il, entre guillemets, non pas révolutionnaire, mais modifie-t-il complètement ce que l'on pensait être justement cette histoire possible du passé des famines et des disettes, c'est-à-dire cette capacité à mobiliser beaucoup de sources très différentes pour pouvoir mieux comprendre justement ces questions de crise frumentaire qui sont si importantes jusqu'au 19e siècle, en fait, un peu partout en Europe. Alors, on va vers de nouvelles sources. On a beaucoup attaché d'importance au mercurial, c'est-à-dire au mouvement du prix des grains, et aux registres paroissiaux. Ce sont toujours des sources de base pour étudier ce genre de phénomène. Mais aujourd'hui, on va voir d'autres indicateurs, notamment, par exemple, les archives des hôpitaux, les abandons d'enfants. On a quantité de sources indirectes qui montrent qu'il y a un vrai problème social qui résulte du manque de nourriture et qu'on a donc d'autres entrées pour juger de l'effet de la famine. Aujourd'hui, on est même arrivé depuis quelques années, c'est très récent, à se dire que l'indicateur de la famine n'est peut-être pas la mortalité, mais les conceptions. Finalement, il y a un meilleur indicateur d'une famine, c'est la baisse des conceptions et des naissances. Il semble que dans ce cas-là, alors pour des raisons qu'on explique plus ou moins bien, le roi Ladurie disait que c'était la ménorrhée de famine, c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient plus concevoir. On pense qu'il y a d'autres problèmes, la dislocation des couples, le manque d'appétence sexuelle des gens dans des périodes de famine, toutes sortes de facteurs qui peuvent peser sur la natalité. Et on constate effectivement, ce qu'on savait déjà depuis longtemps, que la natalité baisse en cas de famine. Ça, c'est beaucoup plus clair que par une épidémie, par exemple. On le voit beaucoup plus nettement s'inscrire sur les courbes. Parce que le taux de mortalité, du coup, était peut-être relevait plutôt, par exemple, d'une épidémie plutôt que du problème de famine. Non, en même temps, c'est lié aussi, parfois, voilà. Souvent. Alors, c'est ça. La mortalité peut monter parce qu'il y a simplement une épidémie qui est arrivée comme ça. Et les villes sont autant touchées que la campagne, de ce point de vue-là. Peut-être plus, même. Mais ça peut être aussi une mortalité qui est liée à une famine emboîtée à une épidémie. Les gens sont très affaiblis. et ils sont très très vulnérables. Et c'est typhus, typhoïde, tout ce que vous pouvez imaginer comme maladies qui sont ainsi ramassées par les populations. Laurent Feller, pour conclure justement sur les vertus de nouvelles questions, pourrait-on dire, posées à ces questions liées à l'approvisionnement, aux crises frumentaires. Ce sont des questions qui ont été reprises par divers biais, en fait, autour, en réalité, d'études qui ont été menées par Monique Bourrin et François Menant, autour de du concept même de crise. L'idée, c'est, et de la conjoncture, l'idée, c'est, en 1300, qu'est-ce qui se passe? Et c'est à partir de là que tout est reparti. Nous, on avait dans l'idée qu'en 1315, 1317, il y a une grande famine, et qu'à partir de là, tout se disloque, tous les circuits d'approvisionnement et de production se disloquent, et Monique Bourrin et François Menant ont repris la question en relisant, ou en faisant relire, ou en insérant dans leur groupe de travail des gens qui étaient en train de relire, comme Pierre Benito, par exemple, de relire les chroniques, et d'établir à la fois une chronologie des famines, une chronologie renouvelée des famines, en distinguant bien, comme les sources permettent de le faire, les épisodes de disette des épisodes de famine. Ce qui leur a permis de détruire ou de corriger très profondément un certain nombre de mythes historiographiques que nous avions colportés, c'est-à-dire l'idée que, au fond, les grandes famines avaient disparu après le XIe siècle, ce qui est faux. Ce qui est radicalement faux. La famine est toujours là, la disette aussi, donc elle est effectivement présente. Mais qu'est-ce que cela signifie dans ces sociétés-là? Pour ce qui est des sources, il faut les revoir, il faut les revisiter. On introduit d'autres types de sources avec, par exemple, les sources notariées, en étudiant beaucoup plus à fond aussi ce qui est disponible dans les communes comme à Valence, par exemple, où Fourriot fait un travail remarquable, ou encore en reprenant, comme l'avait fait de la Roncière, ce que reprenant toutes les grandes séries qui peuvent exister à Florence. Merci, en tous les cas, à tous les deux d'être venus nous présenter ces renouveaux, pourrait-on dire, d'histoire sur la question des difficultés d'approvisionnement tout au long des temps depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. On va continuer avec une grande crise, en tous les cas politique. Ça a été une grande crise politique internationale dans les années 1960 et 70. Et c'est le thème de votre documentaire, Séverine Yatar. Oui, donc la guerre famine du Biafra qui a duré de 1967 à 1970, qui est évidemment aussi une crise de l'indépendance. Un grand pays, le Nigeria, qui focalise beaucoup d'espoir, et à l'intérieur de ce pays, une sécession menée par un colonel Ojukwu. Et derrière, évidemment, cette sécession, des enjeux en pleine guerre froide, des enjeux géopolitiques, économiques, évidemment. Et puis, là-dessus se greffe la question de la médiatisation, du photojournalisme, de la télévision, d'une famine qui se présente aux téléspectateurs à 20h, et surtout à partir de juste après mai 68, durant notamment l'été 68. Et il y a une sorte de réorganisation de la question humanitaire aussi au moment de ce conflit pour des raisons qui sont à la fois sociales, culturelles et idéologiques. Alors on écoute un petit extrait de ce documentaire que vous avez conçu avec Séverine Cassa et qu'on écoutera intégralement demain. La guerre du Biafra est régulièrement citée en fait dans la mémoire de l'humanitaire, en tout cas dans l'espace francophone, en ce qui concerne la Suisse et la France, comme un moment qui aurait permis l'émergence d'un deuxième âge de l'humanitaire, et qu'en France, vous connaissez bien avec l'émergence du mouvement des French Doctors et de Médecins Sans Frontières. Donc c'était de revenir en fait sur un événement que les praticiens de l'humanitaire disent fondateur, en se demandant finalement qu'est-ce qui change réellement à ce moment-là. Est-ce qu'on a une nouvelle forme d'humanitaire qui émerge ou est-ce qu'on a une nouvelle manière de voir l'humanitaire? C'était plutôt ça en fait qui m'intriguait. Et le deuxième point, c'était effectivement le fait que ce soit la première famine télévisée. Dans les médiatisations antérieures, on a essentiellement la photographie qui a joué un rôle, un peu le cinéma et la radio. Mais là, c'est vraiment cette idée qu'il y a la télévision qui fait quasiment du direct et qui va donc montrer véritablement ce que c'est que de mourir petit à petit par la faim. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous demander de bien vouloir m'excuser. M'excuser, peut-être pour une place qui n'est pas la mienne, parce que je vais troubler votre soirée. Soirée que j'imagine familiale ou amicale, une soirée où il fait bon vivre, et puis tout d'un coup, on sonne à la porte. C'est un télégraphiste. C'est une mauvaise nouvelle. Si vous le voulez ce soir, le télégraphiste, ce sera moi. Ah non, Non, je vous en prie, madame, je vous en prie, monsieur, ne touchez pas votre récepteur de télévision. Faites-moi cette grâce. Ce télégramme vous est adressé. Il porte votre nom. Il porte le nom de chacun. Ce télégramme vous est envoyé par Philippe Dumez. Il l'a écrit avec sa caméra, à 5000 kilomètres d'ici. Pourtant, souvenez-vous, il y a 23 ans, vous avez dit « Jamais plus nous ne verrons cela ». Je l'ai dit, vous l'avez dit. Quoi cela? Le génocide. Le génocide au Biafra. Sur ce territoire, il y a 14 millions d'êtres humains qui essayent de jouer le jeu de la mort. Voilà, vous avez peut-être reconnu, si vous êtes assez âgé comme moi, la voix de Pierre Sabag, grand présentateur de journal télévisé. Donc, pendant cette crise du Biafra, il faut préciser, Séverine Yatar, qu'avec Séverine Cassard, vous avez cherché les analystes contemporains, les historiens contemporains et les historiennes contemporaines de cette crise du Biafra. Ils sont nombreux et ils relisent de façon très différente que ce qu'on pensait habituellement, cette crise du Biafra. Voilà, ils relisent justement le nouveau sens de l'humanitaire et cette rupture peut-être de l'humanitaire au moment de cette crise. Alors mercredi, nous continuerons sur cette thématique de la faim, des famines et des disettes en nous interrogeant sur les questions de politique publique d'aide alimentaire en France au XXe siècle. Et jeudi, eh bien, nous traiterons d'une véritable grande famine, la grande famine irlandaise. On en discutera avec les historiennes et historiens à notre micro. Merci à vous Laurent Feller, merci à vous Gérard Béor. On se retrouve dès demain avec vous Séverine Yatar pour la suite de cette série de La Fabrique de l'Histoire. D'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Benjamin Vignal nous a accompagnés à la technique et Séverine Cassard était à la réalisation de cette émission. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique de l'Histoire, c'est Fabrique FC et l'adresse mail, c'est fabrique@radiofrance.com.